My love, my love, I can hear you, my love. Tell me, where have you gone? Oh, my love, I can trust you, my love. Tell me, what have I done? Plug it in so I can digest you. I will chase you. Far away, far away, I can feel you today. I'm not here, my love. All the tide running fast, following my gut, turning up every rock. You're disappearing, my love, I need louder than this. Please fill me up. Curve tidings I bring to you and your sins, I'll forget. Come to me, plug it in, so I can digest you. I will chase you. My appetite in that hole, don't you with it now. Mon amour, mon amour, je t'en te pas mon amour, dis-moi où t'es allé. Mon amour, mon amour, je te sens pas mon amour, dis-moi ce que je fais. C'est toi, ah, et je vais t'avaler. I will chase you. T'es si loin, t'es si loin, je t'écoute pas du tout, font me guérir amour. Ça t'est plus et plus ferme, c'est si mon star, sans me mettre à l'envers. Tu t'effaces mon amour, tu te plus qu'une ombre, aurais bien moi. J'étais pour mieux, j'oublie te pousser, je te pardonne. Viens vers moi, brancez-toi, je vais te valer. I will chase you. Mon appétit est sans fin, laisse-moi te tendre. I will chase you. I will chase you.